sa main en douceur. Elle chantait sans fin leur bonheur. Il a détaché son sourire. Elle cogne sa tête, elle croit dormir. Sans voir sa fenêtre, qu'elle essaye de croire qu'il revient. Il est déjà loin de sa rue. Elle attendra qu'elle soit dépourvue de tout ce qui la tient. Cette nuit, danse sans cesse, danse en liesse, et tu verras.